Le 11 mai, le journal London Simon présente un commentaire titré « Ce que suggère la course aux armements des grandes puissances ». Il crie « Les rapports sino-indiens courent un danger, surtout à la suite du lancement d'essai d'un missile balistique intercontinental par l'Inde. La contradiction sans précédent est accentuée entre les deux parties. La Chine aussi a lancé un missile balistique intercontinental de type nouveau et déclaré le disposer pour le combat réel. Il lance avec acharnement une offensive militaire et diplomatique pour installer des points d'appui stratégiques aux alentours de l'Inde, d'une part, et d'autre, elle empêche par divers moyens et en séduisant le Pakistan, la démarche indienne pour intensifier sa position et son influence à l'ONU. L'Inde alerte l'opinion publique en disant que l'égoïsme national de la Chine est pire que les États-Unis, organise fréquemment des lancements d'essais des missiles de type nouveau de toutes sortes, d'une part, et d'autre, elle a raffermé plus les liens politiques et militaires avec les pays voisins comme Bangladesh et Népal et agace la Chine par l'invitation de Dalai Lama XIV qui réclame l'indépendance du Tibet, sans parler des rapports avec Taïwan. L'Inde ne veut pas que ses intérêts stratégiques soient préjudiciés. L'Inde a le problème de litige territorial depuis longtemps avec la Chine et les États-Unis et certaines forces cherchent à l'utiliser pour contenir la Chine. La réalité montre clairement que même les pays qui ont une large superficie du territoire, une population nombreuse et une grande force économique considèrent le renforcement de leurs forces armées nucléaires comme le meilleur moyen de sauvegarder leurs intérêts stratégiques. Il est bien naturel que notre pays, menacé directement et en permanence des armes nucléaires des États-Unis, organise le lancement des fusées balistiques et l'essai nucléaire pour l'autodéfense.